Midi. Le zouave chauffe. On va partir. Les passagers se pressent. Biscri et Mahonnet entassent les bagages dans les barques. Tartarin Tarascon, lui, n'a pas de bagages. À peine vient-il sauter dans la barque du capitaine qu'une bête essoufflée dégringole du haut de la place et se précipite vers lui, en galopant. C'est le chameau fidèle, qui depuis 24 heures cherche son maître dans Alger. Est-ce que ce chameau est à vous? Demande le capitaine. Pas du tout, répond Tartarin, qui frémit à l'idée d'entrer en Tarascon avec cette escorte ridicule. Et, reniant impudemment le compagnon de ses infortunes, il repousse du pied le sol algérien et donne à la barque l'élan du départ. Le chameau flaire l'eau, allonge le cou, fait craquer ses jointures, et s'élançant derrière la barque à corps perdu, il nage de conserve vers le zouave. Barque et chameau viennent ensemble se ranger au flanc du paquebot. À la fin, il me fait peine, ce dromadaire, dit le capitaine Barbassou tout ému. J'ai envie de le prendre à mon bord. En arrivant à Marseille, j'en ferai hommage au jardin zoologique. On hissa sur le pont, à gare en fort de palans et de cordes, le chameau, alourdi par l'eau de mer, et le zouave se mit en route. Les 2 jours que dura la traversée, Tartarin les passa tout seul dans sa cabine, car le diable de chameau, dès que son maître apparaissait sur le pont, avait autour de lui des empressements ridicules. Quand le zouave eut jeté l'ancre, notre homme qui n'avait pas de bagages descendit sans rien dire, traversa Marseille en hâte, craignant toujours d'être suivi par le chameau, et ne respira que lorsqu'il se vit installé dans un wagon de 3e classe, filant un bon train sur Tarascon. Sécurité trompeuse. À peine, à 2 lieues de Marseille, voilà toutes les têtes aux portières. On crie, on s'étonne. Tartarin à son tour regarde. Et qu'aperçoit-il? Le chameau, monsieur, l'inévitable chameau qui détalait sur les rails, en pleine crau, derrière le train, et lui tenant pied. Tartarin, consterné, se rencoigna en fermant les yeux. Après cette expédition désastreuse, il avait compté rentrer chez lui incognito. Mais la présence de ce quadrupède encombrant rendait la chose impossible. Quelle rentrée il allait faire, bon Dieu! Pas le sou, pas de lion, rien. Un chameau. Tarascon! Tarascon! Il fallut descendre. Oh, stupeur! À peine la chéchia du héros apparut-elle dans l'ouverture de la portière, un grand cri. Vive Tartarin! Fit trembler les voûtes vitrées de la gare. Vive Tartarin! Vive le tueur de lions! Et des fanfares, des chœurs d'Orphéon éclatèrent. Tartarin se sentit mourir. Il croyait à une mystification. Mais non, tout Tarascon était là, chapeau en l'air, et sympathique. Voilà le brave commandant, Bravida, l'armurier Costecalde, le président, le pharmacien, et tout le noble corps des chasseurs de casquettes qui se pressent autour de son chef et le portent en triomphe tout le long des escaliers. Singuliers effets du mirage, la peau du lion aveugle, envoyée à Bravida, était cause de tout ce bruit. Avec cette modeste fourrure, exposée au cercle, les Tarasconnais, et derrière eux, tout le midi, s'étaient montés la tête. Le journal Sémaphore avait parlé. On avait inventé un drame. Ce n'était plus un lion que Tartarin avait tué. C'était 10 lions, 20 lions, une marmelade de lions. Aussi Tartarin, débarquant à Marseille, y était déjà illustre sans le savoir, et un télégramme enthousiaste l'avait devancé de 2 heures dans sa ville natale. Mais ce qui mit le comble à la joie populaire, ce fut quand on vit un animal fantastique, couvert de poussière et de sueur, apparaître derrière le héros et descendre à cloche-pied l'escalier de la gare. Tarascon crut un instant sa tarasque revenue. Tartarin rassura ses compatriotes. « C'est mon chameau » dit-il. Et déjà, sous l'influence du soleil tarasconnais, ce beau soleil qui fait mentir ingénument, il ajouta, en caressant la bosse du dromadaire, « C'est une noble bête! Elle m'a vu tuer 10 millions !» Là-dessus, il prit familièrement le bras du commandant, rouge de bonheur, et, suivi de son chameau, entouré des chasseurs de casquettes, acclamé par tout le peuple, il se dirigea paisiblement vers la maison du Baobab, et tout en marchant, il commença le récit de ses grandes chasses. « Figurez-vous, disait-il, que c'était un soir, en plein Sahara,